Question 17. Pour dépasser ce motard, je respecte un intervalle latéral de sécurité d'1,50 m minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B.